Let's go! Are you ready? Let's go! Are you ready? Et c'est parti, comme chaque dimanche soir, DJ Kaze est là au contrôle pour Rice Suprême, ça va bien Kaze? Ouais, on est là, on est venu avec une grosse équipe. Je vois ça, c'est la colonie. Et ouais, une grosse équipe. Voilà, donc j'ai une super grosse info et une bonne nouvelle, c'est que... Alors attention. Ouvrez bien grand vos oreilles, l'album paraît en New York, donc ça sort le 15 juin, c'est un album costaud, ultra puissant et multivitaminé. Bon, ben on suivra ça, et puis donc tu es venu, je disais qu'avec une colonie, avec du monde ce soir dans le studio, qui vont ambiancer le Rice Suprême. Avec la jeunesse. Ils sont forts, là dans la nocturne vendredi soir, ils sont donc de retour avec toi ce soir. Ils sont de retour, le groupe s'appelle OR. Ça va bien messieurs? Ça va et toi Fred? Et bah bienvenue en pleine forme. Merci, OR. En pleine forme. Toi ils sont aussi sur le projet OR? Oui bien sûr, ouais. On va le faire découvrir d'ailleurs ce soir. Donc ce soir il y aura le morceau inédit, ouais. Un petit mot, tu as dit un mot sur eux, c'est une sacrée relève les deux. Hein. Voilà, moi je trouve qu'ils dégagent une énergie de banlieue parisienne et de vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, un projet qui est sorti, on le disait là aussi pour vous, ouais, ça va, donc tout va bien. Ouais, ça va. Les vacances. Pas trop, hein, on charbonne un peu dans toutes les FNAC, séance dédicace, tout ça, c'est... Donc vous êtes avec tonton Kaze aujourd'hui. Tonton Kaze, vieilli. Ah, tonton. Et ils sont pas tout seuls, il y a aussi, bon voilà, il y a les Atos qu'on a déjà amenés. Les Atos, c'est Faridé, où ça va? Oui, Fred, ça va quoi? Ça va et toi? T'es tout... va, et où est ton compère? Il arrive. Alors. Bon bah bienvenue à vous tous, on attaque tout de suite. Merci. Restez branchés et le hashtag c'est Rice Suprême, donc dégainez, on vous voit. Et bah allez-y, vous balancez vos messages et coup d'envoi pour cette première demi-heure de son avec DJ Kaze. Skyrock, Rice Suprême. من العينين عليها مخاف خمسة خموس عليها الله يسترها من العين وهي مولانا عمري عندها لا طي والزين وهي مولانا Everybody time to party come on hit the floor no time if you wanna feel the music you can say Suprême. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Let's go. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. شي مالو دنيا قراتني بل العديان بانو نصوري سوفري كامل نابولي طانو لك وهمي قاري خلي العديان يقولو لحقوني لداري خويا للغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان بانو عايش في عالجي وهرن ولا ميلانو رزقي والبوشي العقلية باتشينو عايش في ألجي وهرن ولا ميلانو رزقي وانا بوشي العقلية الباتشينو بابيني يا خوتي بابيني بابيني اصحاب الهدرة خاطيني بابيني يا خوتي بابيني بابيني وباغي نعيش وحداني جميلة شو جيهم ديما في بالي مانيش حرايمي عند الفرج لابيني نمشي بضرهني من منروح راسي عالي حبابي لطامي ناس اللي يعرفوني جميلة شو جيهم ديما في بالي عايش في ألجي وهرن ولا ميلانو رزقي والبوجي العقلية الباتشينو عايش في ألجي باري ولا ميلانو رزقي وانا بوشي العقلية الباتشينو بابيني يا خوتي بابيني بابيني اصحاب الهضرة خاطيني بابيني يا خوتي بابيني بابيني وباغي نعيش وحداني Bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé, bim aulé

Rai Supreme Skyrock. تنس حنا تهدي يا كي ذروم ثروات غلت الويدا قلوم أما سلام مدد يمد ومشوم حسن سواد في ثوين المنوم دوك تنس حنا تهدي يا كي ذروم ثروات غلت الويدا قلوم يا لا لا دا لا لا لا يا لا لا مسات البيت فور طالو فريسيتير يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يوال السردامور طالو فريسيتير يا لا لا لا لا لا يا لا لا مسات البيت فور طالو فريسيتير يا لا لا سكايروك راي سوبريم سي دي جي كيز دي جي كيز A vision of ecstasy when you hold me, I'm alive. C'est Rai Supreme. Skyrock. DJ K's R&B, DJ K's Hip Hop, DJ K's House Tracks, DJ K's Number One, Batman School, DJ K's, let's go! C'est Rai Supreme, Skyrock, DJ K's, hey. Ouais, ouais, ouais, New York, New York, 1-1, Farid Oussama, O-R, roule, sur Skyrock, roule, Rai Supreme, méga sapé au max, mashallah, une entrée dans le bar total ce soir, là. Va t'asseoir là où ça m'en est pas. Si je suis là, je suis là, je suis là. Profite jamais si t'es pas correct, c'est pas là. Ce corazon père, Mima. Papa, mon temps, poteau chez moi, pas de cinéma. Et si cette gars du mappé, tu me connais, je suis pas bilingue, je parlerai pas chinois. Attends, une entrée remarquée, regard braqué. Soudain, disponible sur IG. On arrive écarté, vous, avec mon équipe de tarté, veux danser sur moi. Je rentre dans la boîte, Mima me guette, ton bicep des nuits, monsieur, j'étais bout de grenadine, j'achète Mima. T'es trop moche, une lâche, j'étais à Albuvilla, et Hachet Mima rembobina. J'achète Mima. 1500 en cash, en New York. Pour après cette chasse, dans la boule, la fosse, on est ensemble. Farid Oussama, ça sur la fossette, fossette, fausse parce que je tape la discute à cause Mima. Oublie tout, viens, pas d'une, pas de meuf, Wailou, rien. Pas de Hachma, sors du coin. Sors ce conseil, mets-toi bien. Zbeul, zbeul. Ouais, Zbeul, ouais, ouais, ouais, Zbeul, Zbeul, ouais, ouais, ouais, Zbeul, Zbeul, Zbeul, toute la nuit. Allez, mets ma page. DJ Jusqu'au Mali, c'est pas fini. Everybody, paquet, paquet, poussez dans les paquets. J'ai voulu la gérer, mon frère, en bas, ma mienne. jeune, oh. On se dépêche avant que les frères s'attachent. Alléluia, blanc malin dans le volet. Je connais, même ta copine me connaît. Faut cacher la vérité quand t'es vraiment gêné. Faut pas tenter de freiner, faut retourner s'entraîner. Soudé, disponible sur iTunes. Tout soudé jusqu'à s'entraider. Pas tout le temps, je suis dans mes affaires VIP. Ou la casse à fermer des poumons, on n'oublie pas les. La malade, tu chantes du rentrer. Où se fait rentrer l'équipe, ça gère et je me balle en bas, c'est vrai. On est en 2015. Ça en cachette, même y'a pas de feu rattrace. Et tiens, c'est dans la boule à facette. Tini Boussa sur la faussette. Faussette, faussement, parce que je tape la discute à causette. Ça dit quoi? DJ Kaze. Justin Vicant. C'est pas grave, on est en 2015. Au R, Oussama et Paris. DJ Kaze, nous avec nous. Oublie tout Paris, le roi nous. Ça tweet, ça tweet. Walou, rien. 2015. Sors du coin. Force Pony 2015. Pony 2015. Suprême. Hashtag Rail Suprême. Hashtag Paris en heure 2015. Hashtag Même Vête. Dimanche soir. Dimanche soir. Minuit. Une heure. C'est Rail Suprême. En direct sur Skyrock. Ah, il manque du thé là. Ok, une chatte à lui, hein. Chou. Jalal Hamdaoui. Jalal Hamdaoui ou la Hamda. Non. Bledi, bledi, le Maghreb. Sans fin. L'aide le Maghreb. Si, si. Bienvenue au Maroc sur Sky. Yes, salam, Allah. Bienvenue au Maroc. C'est soit t'es riche, soit t'es pauvre. Tu t'amuses comme un dingue, même si tu n'as pas de lourd. Bienvenue au Maroc. C'est ici que je m'imagine. Je m'entame de vos départements, je représente mes origines. Bienvenue au Maroc. Barbabikoum, vous plaidi. Les millions d'atteintes sont dans la place, et Aïdil qui me l'a dit. Bienvenue au Maroc. Et à la sûreté nationale. Et si tu pousses la foi, moi je te dis ça va faire mal. Bienvenue au Maroc. Si des touristes ramènent la thune, les marchands comprendront malgré les toutes petites lacunes. Bienvenue au Maroc. Bienvenue dans mon pays, mais les warnings et klaxon fait tirer 336. Bienvenue au Maroc. Et y'a du spul, j'ai du meloui. Et si tu kiffes ta meuf, j'ai une pack, vas-y, meloui. Bienvenue au Maroc. C'est là que j'achète mes fausses basses. Que je recharge mes disquets, tout le monde le sait pendant que tu passes le 17. Bledi, le Maghreb. Et bim bim. Si vous avez un problème au Marrakech, vous dites que vous êtes tous un bim bim. Tout un triomphal. Si, si. Kamel WW. Yassalam, yassalam, Allah. Bienvenue au Cameroun. Maï Arfouch. Bienvenue au Galsen. Bienvenue en Algérie. Oui. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue en Tunisie. Bienvenue au Sri Lanka. Eh les Poundés, on y va. C'est le pays de l'évolution. Dans nos rues, Wallah, tu trouves de moins en moins de corruption. Mauritanie, y'a les chlorias, les refus. Personne ne s'est arrivé. Y'a les petits taxis, y'a les grands. Faut pas te faire taire, faut pas parler, c'est franc. Y'a les j'oublie les Sahraouis. Ben oui, t'inquiète, poteau, j'oublie pas les Kazaouis. Et la capitale, c'est Rabat. Tesla, tu devrais passer par là-bas. Y'a les bizarres, les mecs nia. Un petit conseil, ne laisse jamais traîner ta bnia. Y'a des bêtes de gamos. Et si t'as mal au ventre, t'as trop mangé de kramos. Kramos, dis le mot. Je suis impur, mais knessi. Pique pas toute ma vie, y'a tous les mecs nés ici. Kalsa, attention, Maghrébine, saveur, carité, bonjour. Tu m'étonnes, j'ai mes médailles, y'a que des rajouts. Y'en a tellement qui veulent se mettre entre nous. Tu sais bien, c'est ce qui nourrit les jaloux. Comment ça, tu parles mal de Dali? L'esprit mal, moi-même, je suis un tout couré. Viens ici, je te présente Hamidou. Je vais percer d'après mon marabout. Quand elle rentre dans le club, ça sent l'embrouille. Elle attire tous les draps, les andouilles. Ma Jusalem, tu repars sans oseille. T'es bien sapé de la tête à l'orteil. Papa n'est pas là, donc c'est le boxon. Maman, il fait tard, elle se pose des questions. Sous vodka, tu perds la raison. Attends, là-bas, ce serait pas ton rêve. Prends la fuite, ça sent pas bon. On se tacle pas même temps que la poisson. T'as fait tourner la tête de ce garçon. Et pour ton gâte, la pêche et ton buisson. Réleni, réleni, réleni. Et où est-ce qu'il y a les mêmes. Que nous allons gagner. Réleni, réleni, réleni. Et où est-ce qu'il y a les mêmes. Que nous allons gagner. Coupé des calé. Yeah, ça sort le fun, Inch'Allah, vendredi. T'as tout c'est là-bas que ça se passe, mon frère, sur la propre commande. Bitune, mon équipe a ravalé. Voilà, sans jamais à tailler. Elle le sait. 9-4, on va les driver. Yeah, j'ouvre la star pour m'évader. Passe le wash, passe le wash, j'ai dit passe le wash, passe le bébé, passe le wash. C'est DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. DJ Case au contrôle, ouais. Comme chaque dimanche soir, c'est pour Raï Suprême. DJ Case avec le groupe OR ce soir, avec Farid Oussama, vous les avez entendus. Voilà. Ils ont ambiancé déjà cette première demi-heure de Raï Suprême. Ils ont ambiancé, et puis on a fait découvrir le titre qui est sur l'album qui sort le 15 juin, donc OR et DJ Case. C'est ça. Le son, il déchire. Et voilà, on voit à travers les tweets et les hashtags, donc on voit que tout le monde est bouillant. Ouais. Un petit mot quand même sur OR, vous les gars, présentez-vous aussi pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas écouté les différentes émissions, ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux. Un petit mot sur votre parcours, vous, parce que vous êtes très jeune pour l'instant. Ouais, bah en fait, nous, c'est OR, c'est Ryan et moi, on est frères. Puis, notre premier projet, il est sorti, Soudé, OR. On vient ici pour DJ Case, pour New York. Pour Tonton Case. Tonton. On est là, Tonton. Pour Tonton Case au platine. Ouais, Tonton voilà. Case. Et donc, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc, notre Insta, c'est OR200. Notre Twitter, c'est OR-du-bas-frère200. Et notre Facebook OR officiel. Le morceau, tu vas le repasser avant la fin, Case? Oui, on va le mettre, on va le remettre, puisqu'on a vu pas mal de réactions, donc on est obligé de le remettre. Donc le 15 juin, sorti de Paris au Rang New York, ce morceau qui s'appelle Zbul. Zbul. Non. Au départ, c'était Zbul. C'était le nom de code. Voilà, mais sur le tracklist, on a Mima. Voilà, Mima. C'est leur cri de guerre. Voilà, on a pu l'entendre tout à l'heure. Mima.

romantique, romantique. Thug wife. Romantique. Thug wife. Romantique, romantique. Sur Sky. Ouh. Comme ça qu'on s'amuse dans le ghetto. Faites du plus. soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Direct sur Skyrock. Mamorela, dala ine nizi vamo kulele.

Sérieux, il se passe quoi là? Hier, El Khan, c'est ton mariage aujourd'hui. Tu as oublié ou quoi? Bouge-toi! Ah ouais, j'avais zappé, c'est vrai, vas-y, vas-y. De bon matin, je vois un gros bordel. Je vois ma mère courir partout avec son pointel. Je vois tout le monde s'exciter, hommes et femmes bien habillés. À ce qui paraît, je vais me marier. Nal Shaitan, laissez-moi me casser. Au début, je me suis dit qu'on me faisait une petite blague. Jusqu'à ce que j'entende ma mère me dire Oussama, où est-ce que t'as mis la bague? Mais non, Yema, j'ai pas l'âge pour ça. Et là, je commence à stresser en me demandant ce qui s'est passé. Et en plus, pour la dot, moi, j'ai même pas assez. Je dois avoir du euro caché sous le canapé. Ah oui, Lee. En plus, j'ai pas de smoking. Je vais arriver, ils vont tous se moquer. Mais bon, Merli, c'est le mariage dérangé. Yalla, yalla, j'ai la dalle. On va tous se mettre à dalle. Aujourd'hui, Psaha, c'est le mariage d'Oussama. Se marier, lui, je le vois mal avec une laronsa. Non, jamais. Sa mère surexcitée, elle croit que c'est elle qui va se marier. On entend que des youyou à la cité. Arrivé à la mairie pour féliciter. On voit déjà les darons bourrés. Hakim avait goûté le cabriolet. J'ai vu Raja marionner. Elle a dans les enveloppes d'Oussama et Samra. Sur son 31 avec sa petite abeille. Khalti, aujourd'hui t'es super belle. Hein. Ah, ça veut dire hier, Zahma, j'étais moche. Ana andi la taille, tu es jaloux. Ah ouais, je vois tout le monde prendre des photos, même les grands-mères font des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la plage, j'aperçois Kaïs mixé. Je suis tellement bien sapé, je vois tout le monde me fixer. Je vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si, j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Y'a aussi une qui danse comme une abeille. Avec mes sahabs sur la piste, on est tous genouneilles. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si t'es pas invité. Baby, y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. Oh my god, rien, mesdames et messieurs. Je vois le daron d'Oussama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper les gars. Attends. Bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera Fatima et moi. C'est Rail Suprême. Skyrock. Sortez les couteaux, la pièce montée. On va la démonter. Voilà le gâteau. Sortez les couteaux, la pièce montée. On va la démonter. انا وياك يا حبيبتي انا وياك يا عمري انا وياك يا حبيبتي يا حي هادي كيسكالا لي مي روغارد يا حي على لا جالوزي جي سوي دان مون جاكوزي او فيت جيسبر كو تي لو ا با دوني بوكو دو دوت اي ميريت با ميو كان تاجين بيريمي مي نو يما تو با غاشي مون مارياج اريت بلا ان بلوس سا مير ال ريسامبل ا ريان لي فينو ابي افيك اون روب اون ديري ان ريدو مي اريت سي توا لا بلو بين سي توا عندك لا تاي ان بلوس تو بو ات كونتونت بور موا سي مون مارياج كان ميم دي كوم سا جو بريفير الوغ يلا فيان فير اون بوسا تا مامان مبروك مون فيس يلا فيليسيتاسيون Viens là, toi aussi. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah, uh-huh. Yeah, uh-huh. Yeah, uh-huh. Yeah, uh-huh. Yeah, uh-huh. Yeah, yeah, yeah, بالانجليزية عد وان تو ثري بالنقافات عد وان تو ثري وعميلو عميلو Supreme. Skyrock. Yo, in ha ha. Yo, in ha ha.

bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque, par peur que ça marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet système. Beurre est conscient de son potentiel. En France, si facile, se retrouver au Hebs. Halafi, on trempe dans des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillard dit star, ça, c'est le coup de grippe, rachet système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois, c'est fatal, ça semble interminable comme l'intifada. Avec les moyens du bord dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps bientôt. Et suis en tour ouvert aux critiques, poto. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien le vaut. Rachet système, gros. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ma bonne étoile, au R. Attends. J'ai pas beaucoup d'emprise de choix, je fais ce qu'on exige de moi. Guide-moi dans l'univers une vie de roi. Avec toi pour toujours condamné, le jour se lève, il se fait l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi, ah, c'est ma complice et depuis tant d'années. Tu veux savoir quoi, t'auras pas mon histoire, t'auras pas mon vécu, l'esprit que j'avais le soir. Dans ma bonne étoile, je n'ai pas le choix. Je me mets en masse ma forme que quand je repense à toi. Seul dans le lit, les yeux pointés sur le plafond, je pense aux études et aux moments avec le daron. Qu'on réussisse, c'est nous au quotidien. Les aléas de la vie n'ont pas rendu notre histoire très simple. Si je devais faire un souhait, comment vais-je choisir? Mais ta famille en bonne santé, l'éloigner du danger. Moi je suis pas le meilleur, je vais pas mentir, loin de là. Je suis toujours le même comme ma bonne vieille étoile. Elle me regarde et me parle de son homme. Je lui parle de rue et d'histoire de bonhomme. Je lui confie mes pères, qu'Ower veut dire hors norme. Qu'on a besoin de personne pour briller. J'ai pas beaucoup d'emprise de choix. Je fais ce qu'on exige de moi. Guide-moi. Soudé, disponible. Dans l'univers, une vie de roi. Avec à la FNAC, toi, partout. Toujours condamné. Le jour se lève, il se l'heure de m'en aller. J'arrive pas à la sortir de moi. Ah, ah, c'est ma complice depuis tant d'années. Je t'en supplie, guide-moi. Je marche la tête haute, marche en avant, j'ai pas le soin. Et puis je sais que je suis le seul à décider de mes pas. Et puis je savais que t'avançais dans le silence. Mais là, tu t'es révélé, ton étoile vient de filer. La mienne me suit de jour en jour, mon destin n'est plus scellé. Mon étoile est une star, mon étoile me suit. Elle me sert de repère quand je suis du père la nuit. Tu m'as suivi de près, tu m'as souvent appelé en inconnu. Si tu savais, t'attends, je me suis retenu. File-moi un tom-tom, j'suis perdu dans mes pensées. Des concerts au dom-tom, si seulement m'en donne. Elle me regarde et me parle de son homme. Je lui parle de rue et d'histoire de bonhomme. Je lui confie mes parcours, veut dire hors norme. Qu'on a besoin de personne pour briller. J'ai pas beaucoup d'emprise de choix. Je fais ce qu'on exige de moi. À la fin, allez pêcher moi. Dans l'univers, une vie de roi. Avec toi, toujours condamné. Je se lève, il se fait l'heure de m'en aller. J'arrive disponible sur YouTube. De moi, c'est moi, ma bonne étoile depuis tant d'années. J'ai pas beaucoup d'emprise de choix. Je fais ce qu'on exige de moi. Guide-moi dans l'univers unique de roi. Avec toi pour toujours condamné. Le jour se lève, j'ai mes lèvres pour aller. J'arrive pas à la sortir de moi. C'est ma complice et depuis tant d'années. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Cette jeunesse avec Farid Oussama, avec OR, avec nous. Moi, il me donne beaucoup de force. Je suis vraiment content de les avoir accueillis aujourd'hui. Merci. Ah, il te donne de. Non, mais j'étais jamais aussi jeune. Je suis sous perfus. Ouais, c'est ça en fait. Bon, on va rappeler quand même deux trois trucs. Donc ça y est, tu l'annonces en début d'émission, voilà. Il y a une date pour Paris Horror New York. Donc ça sort le 15 juin. Le premier volet, c'était l'année dernière, c'était sorti le 25 août. Là ça sort avant l'été. Vous n'avez aucune excuse. L'album il va déchirer. Il y a à peu près entre 25 et 30 titres avec des gros noms du rap français, du rail, et vraiment ambiancé. Il y a aussi le groupe OR. Il y a Farid Oussama sur le gros son qu'on vient d'écouter, Marrage Dérangé, ouais. Et voilà, c'est tout est funky, rye, house, latino. Il y en aura pour tout le monde. C'est un album de malade. Moi, je pense que c'est un scoop international. Je pense que c'est mon meilleur album depuis le début de ma carrière. Vraiment. Ah. Après, il y a des mauvaises gens qui vont dire il dit ça tous les ans, mais celui-là. Bah, en même temps, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une fierté autour du projet. Fred, je l'ai écouté. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, ouais. Et ce qui est bien, c'est que ça séduit aussi les jeunes, les ménagères, les grands, les moyens. Et cet album, moi, je suis vraiment fier de l'avoir fait et content. Et c'est un album vraiment abouti de malade mental. Et voilà, que dire de plus, va être le 15 juin dans les bacs, les précommandes, ça va être bientôt. Suivez bien les rails suprêmes les dimanches qui vont arriver, on va ramener des invités et puis on va beaucoup faire d'exclus. Voilà, les exclus, on va vous en donner plein la vue. Et ben merci Case, merci Oer, à vous d'être passé aussi. Merci à toi, merci à Case. Si on rappelle des réseaux sociaux, balancez toutes les adresses pour vous retrouver, pour vous suivre. Oussama El Fatmi, c'est son Facebook, son compte fan. Et il y a moi, Farid Ben Salah, vous pouvez me suivre, il y a toutes nos vidéos, Farid et Oussama. Et il y a notre page, Farid et Oussama. Et c'est la seule. Très bien, donc ça c'est. Et pour l'équipe de OR. N'oubliez pas d'aller pécho le PSOUDÉ, qui est toujours dispo à la FNAC, partout. Voilà, il y a notre site qui est en ligne, OR-officiel. Vous pouvez retrouver nos packs avec les t-shirts, tout ça. Vous en aurez peu, il y en aura pour tout le monde. Et ben merci d'être passé en tout cas ce soir. Merci Case. Merci, Rencard dans une semaine maintenant pour prochain Rail Suprême. Une bonne semaine, voilà. Et la semaine prochaine, on va faire découvrir justement le single qui sortira, le premier single. C'est avec Mister You. Donc on aura, j'espère, l'honneur d'accueillir Mister You pour peut-être faire qui découvrir avec Mister ce You. Titre. Qui sait. Qui sait. Bon, guettez bien. Merci à vous tous en tout cas. Merci, gros big up. Merci à toi, Fred. Et à très vite. Rapper and Beyond, c'est reparti. Le son sur Skyrock. Skyrock.